Cours numéro 16. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi wahdah, wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fi d-darsi al-sabiq, on a pris plusieurs amthila min kalam al-Sheikh Sa'di rahmatullah alayhi, ay ma yata'allaq bi al-shura, on l'avait vu avant, thumma khadna ma yata'allaq bi islah. ما جاءت بإصلاح الدين نعم أن الشريعة جاءت بإصلاح الدين وإصلاح الدنيا والجمع بين مصلحة الروح والجسد هذا الدين il englobe tout le خير هذا الدين il est كامل celui qui l'a révélé au prophète صلى الله عليه وسلم c'est Allah سبحانه وتعالى رب العالمين كذلك on a vu un point important أن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول un aql salim, une personne qui est ala al-fitra, il acceptera ce din. Ce din, il n'est pas venu avec une chose qui contredit la saine nature. C'est pour ça que ce din, il appelle à adorer Allah Azza wa Jal seul, à suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à respecter le voisin, à ne pas couper les liens de parenté, à s'écarter du mal. Hada fil haqiqa, al-insan qui est ala al-fitra, il acceptera hada, lianna c'est que du bien. Kadhalik, ce din, il nous met en garde contre shirk, contre les choses qui font du mal au corps, alcool, drogue, ne pas respecter ses voisins, il nous met en garde contre l'injustice, le mensonge, à tout ça. Al-insan yakrah hadha. Lakin, on vit à une époque, anna kathiran min an-nas fitaruhum taghayyarat. Et il y a plusieurs causes. Al-kufr, al-bida', a'immatu dhalal, afkar, khatira, tout ça, c'est à pousser que les gens, ils se sont écartés de le fitra, et kathir minhum, ils acceptent plus hadadi. Pourquoi? Lianna, il y a une chose qui est venue dans son cœur, et c'est un obstacle entre lui et le haq. Surtout al-afkar. Al-afkar al-haddam. Des pensées, wal-ayyadu billah, qui contredisent hadadi. Kadhalik, a'immatu dhalal. Kadhalik, des prêcheurs, min a'immat al-kufr. والزندقة والبدع أنهم يكمبت هذا الدين ويزكّت الليجان من هذا الدين. c'est pour ça que tu trouves une personne là, ربما il connaît rien de l'islam et ربما sa situation personnelle elle est critique, que ça soit financièrement, que ça soit sa santé, que ça soit son cœur, et ربما il déteste l'islam. لماذا لأنه تأثر بفكر أو بشخص. Et tu le trouves, il n'accepte plus le haq. Et Allah subhanahu wa ta'ala fi khalqihi shu'un. Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui veut, il a le hikmah. Lakin, ça nous montre, nahnu, hada, anna, on fait attention aux afkar qui sont étrangers à notre din. Ka afkar al-kuffar, al-démocratie, al-ilmaniya, tout ça. La démocratie, la laïcité, l'égalité. Tout ça, on fait attention. Li anna, dans notre din, walillahi alhamd, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a démontré tout ce qu'on a besoin. Et il nous a mis en garde contre ça. On n'a pas besoin de ces choses qui sont étrangères à notre din. Kadhalik, on fait attention à immat al-dhalal. Fais attention qui tu écoutes, qui tu suis. Ton objectif, ça doit être al-haq. Amma, suivre un tel parce qu'il est populaire, ou parce qu'il a beaucoup de suiveurs, ou al-dunya kadhalik, se rapprocher des kuffars min ajli al-dunya. Ou le manque de patience, tout ça, ça fait du mal au abd. Waliyam, inshallah, on essaye de finir en lisant al-mithal al-ishroun et al-ladhi ba'da. Qala al-allama al-shaykh Sa'di rahmatullah alayhi, al-mithal al-ishroun, nadratun mujmalatun fi futuhat al-islam al-muttasi'ah al-khariqa lil-awa'id. ثم لبقائه محترما مع تكالب الأعداء ومقاومتهم العنيفة ومواقفهم المعروفة معه ومواقفهم المعروفة معه. فcelui qui réfléchit et qui médite sur l'histoire, أن هذا الدين, il s'est répandu très vite, il s'est propagé très vite. Et ça montre que c'est دين الله الحق. Futuhat, anna kathir min al-nas, ils sont rentrés fi hada ad-din, afwaja. Limadha li annahum, ils ont compris que hada ad-din, c'était l'haq. Kadhalik, hada ad-din, il a toujours eu, walillahi alhamd, de de la valeur. Le haqq, il a de la présence. Il est respecté. Pourtant, l'islam, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la yawmina hada, ils font tout pour éteindre hadd-din, la lumière de ce din. Ma'ahada, hadd-din, il est toujours zahir. Bien sûr, dans certains endroits, il est moins apparent, il est moins fort que dans d'autres. Lakin, fil jumla, alhamdulillah, ce din, il est toujours présent. Et celui qui veut le haqq, il le trouvera. La tazal ta'ifatun min ummati ala al-haqq, qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Toujours, ta'ifa, un groupe qui sera ala al-haqq. Ça te montre anna hadd-din, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'ansar. Ma'a anna al-kuffar wa a'da'u l'islam min al-munafiqin wa al-kuffar wa a'immat al-dalal, ils font tout pour éteindre hadd al-nur. Ils font tout pour harab al-mu'minin, lakin ila yawmina hadha. Combien de choses l'an ils font pour salir l'image des muslimin? Yuharibun min jiha, et walillahi l'hamd, tu entends que chaque jour des convertis. Ça te montre annahu c'est le haqq. Annahum, ils font tout pour salir l'image, et tu trouves au contraire. Ba'd al-nas, ils font des recherches tellement que ça parle de l'islam, et ils trouvent annahu c'est le haqq. Et là, ba'd al-nas, ils sont pas bêtes. Ils reviennent à la source, et ils s'aperçoivent que, fil haqiqa, hadd-din, c'est le haqq. Certains muslimines, ils l'appliquent mal, ils salissent. Amma, si tu reviens à la source, tu trouves annahu hadd-din fihi kulli khayr. Et c'est ça qui dérange al-a'da, et c'est pour ça qu'ils le combattent laylan wa nahara. Qala wa dhalika anna man nadhara ila manba'i hadha ad-din, ay la source d'où ça a commencé, wa kayfa alafa jazirat al-arab ala iftiraq qulubiha. Premier exemple, ay dans le 20e exemple, il va citer plusieurs points. Premier point, si tu reviens à la base, la source, ça a commencé à Mecca. ثم النبي صلى الله عليه وسلم il a fait الهجرة إلى المدينة ثم كثير من الناس sont rentrés dans l'islam ثم quelques années après النبي صلى الله عليه وسلم il revient à Mecca. Mecca ça devient interdit islam. ثم ça se propage الجزيرة كلها, la péninsule arabique entière, ça devient interdit islam des suiveurs du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم en quelques années. قال وكثرة ضغائنها وتعاديها وكيف ألفهم وجمع قاصيهم لدانيهم القاصي والداني. Tu trouves anna, ils se détestaient, que ce soit au niveau des tribus, que ce soit au niveau de l'afrad, un tel il détestait un tel, et hadd din il est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait da'wa, ce din il est rentré dans ses cœurs, et ils se sont aimés fillah azza wa jalla. قال وازال تلك العداوات واحل الاخوه الايمانيه محلها. Non, c'était des ennemis, ils se détestaient, c'est devenu des frères. قال ثم اندفعوا في اقطار الارض يفتحونها قطرا قطرا وفي مقدمه هذه الاقطار امه فارس والروم اقوى الامم واعظمها ملكا واشدها قوه واكثرها عددا وعده. مع ان ces deux empires, l'empire des Romains et l'empire des Perses, Rome wa al-Furs, Faris, هؤلاء, c'était les deux empires les plus puissants à l'époque. مع ذلك هؤلاء المسلمون المخلصون المجاهدون, ils ont réussi à faire tomber ces deux empires en peu de temps, Rome wa Faris. قال ففتحوهما وما ورائها بفضل دينهم وقوة إيمانهم ونصر الله ومعاونته لهم حتى وصل الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها. Et ça te montre أن الفضل لله سبحانه وتعالى. ثم جهود هؤلاء قوة إيمان. Ils ont patienté. Leur objectif c'était le din, c'était pas de dunya. فالله سبحانه وتعالى il leur a ouvert les portes. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هكذا يقول الله عز وجل. إن تنصر الله, si tu secours la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il secourra Su'ayb. C'est ce qui est arrivé à Ha'ula, les premières générations de l'islam. قال فصار هذا يعد من آيات الله وبراهين دينه ومعجزات نبيه وبهذا دخل الخلق فيه أفواجا ببصيرة وطمأنينة لا بقهر ولا إزعاج. La plupart des gens qui sont entrés في الدين, c'est pas بالسيف. Ils sont entrés بطمأنينة. لأنهم ils étaient persécutés, ils subissaient des injustices, que ce soit عند الروم أو فارس. Quand ce dîn il est arrivé, ils sont rentrés de Tomanina, ça les a libérés. Wa hakadha fi zamanina, contrairement à ce que les kuffar essayent de faire croire, an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils ont forcé les gens, c'était des barbares, des meurtriers, ils ont fait couler le sang. Tout ça c'est mina al-kadhib. Akthar an-nas, ils sont rentrés eux-mêmes, li'annahum ils espéraient, ils voulaient hada dîn. Wa ta'ammal ma hasala fi Makkah. Il n'y a pas eu de combat. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est revenu à Mecca, walillahil hamd, il n'y a pas eu de combat. Ay quwwat al-islam, quwwat imanihim, Allah subhanahu wa ta'ala nasarahum, et ils ont repris Mecca sans combattre. Et les gens ils sont rentrés fi dinillahi azza wa jalla. Qala faman nadhara nadratan ijmaliya ila hadha al-amr arafa anna hadha huwa al-haqq alladhi la yaqum lahu al-batil mahma 'azmat quwwatuhu wa ta'azamat satwatuhu. Ça te montre que Hadadin, c'est le haq. Ils étaient beaucoup moins que Rom ou Fars. Ils avaient beaucoup moins de moyens. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné la victoire. Ça te montre anna Hadadin, c'est le haq. Et Hadadin, il prendra le dessus. Ala al-jami'. Mahma balagat quwwatuhum kama dhakara Cheikh Zain. Hadadin, Allah subhanahu wa ta'ala, il le fera passer au-dessus de Jami' al-Adiyan. Et les musulmans, ils seront, walillahi alhamd, au-dessus de l'jami'a. Hakada sunnatullah subhanahu wa ta'ala, walau kariha al-kafirun. Qala hadha yu'raf bi badahati al-uqul, wala yartab fihi munsif, wa huwa min ad-daruriyat. Celui qui a étudié l'histoire depuis la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, s'il est munsif, il est objectif, il est juste, il est sincère, et il admettra que هذا الدين c'est un din azim. Et le parcours de Ha'oula al-Muslimoun, surtout les premières générations, il ne pourra que reconnaître Fadlahum. Celui qui est munsif. Amma al-Adou, celui qui déteste l'islam, n'espère pas de lui une bonne kalima. Fadlan annahu, il va admettre tout ça. Li annahu bourd wa hiqd. La haine, la rancœur, ça les aveugle. Ils font que critiquer. Leur objectif, c'est que la critique. Et nous, ça ne nous fait aucun mal. Ils se font du mal qu'à eux-mêmes. Le haq, c'est le haq. Hada din, il est zahir. Min qabl, wa min ba'd, incha'Allah ta'ala. Qala bi khilaf ma yakuluhu ta'ifatun min kuttabi hada al-asr, alladhi dafa'ahum al-rudukh al-fikri ila mushaya'ati a'da'i l'islam. Faza'amu anna intishar al-islam. وأن انتشار الإسلام وفتوحه الخارقة للعادة مبني على أمور مادية محضة حللوها بمزاعمهم الخاطئة. À l'époque de Cheikh Saadi, et à notre époque أكثر, certains ils ont prétendu أن الإسلام s'est propagé très vite, لأنهم ils peuvent pas le renier هذا. حتى dans leurs livres d'histoire, أن المسلمون ils sont arrivés jusqu'en Europe معروف, et ils sont arrivés jusqu'en Asie. Et Al-Jazira, Kulluha, ils sont rentrés dans l'islam. Ou Ar-Rum, ou Faris, les Perses. Une grosse partie. Ha'oula, ils ne peuvent pas renier ça. Ils l'admettent. Lakin, ils vont essayer de salir l'image. En Al-Muslimoun, ils sont rentrés avec l'argent. Ça, c'est du kadib. Ha'oula, c'était min afqar al-nas. Ils sont en train de prétendre en Al-Muslimoun, ils ont réussi à faire rentrer les gens de leur dîne avec l'argent. Comment comparer Al-Muslimoun qui était fil Jazira avec Faris ou Ar-Rum, niveau argent? Ça, c'est pas ma'akoul. Certains, ils vont dire, ils étaient forcés. Et ça, c'est du kadib. C'est du kadib. Na'am, il y en a celui qui est forcé, il peut faire apparaître hada, et fil haqiqa, yubtin ghayr dhalik, al-kufr. Oh, il peut changer de terre. Oh, il peut se rebeller. Là, c'est devenu des terres d'islam. Et, walillahil hamd, certaines terres, jusqu'à aujourd'hui, c'est des terres d'islam. Fahakada, celui qui n'est pas juste et qui n'est pas objectif, il trouvera toujours des excuses. Amma ha'oula, ils auraient admis et dakhalu fi dinillah eux-mêmes, ils seraient à la khayr. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala, il a une hikmah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Qala, faza'amu an intishar al-islam وفتوحه الخارقة للعادة مبني على أمور مادية محضة حللوها بمزاعمهم الخاطئة ويرجع تحليلها إلى ضعف دولة الأكاسرة أي كسرى ودولة الرومان وقوة المادة في العرب أي la cause pour هؤلاء pour ces menteurs أن l'empire de Fars des Perses et des Romains ils étaient faibles ils se sont affaiblis ثم المسلمون avec leur argent et leurs biens ils ont réussi à rentrer et les gens ils les ont suivis. C'est comme ça que l'empire de Kisra et de Rome ils sont tombés. Et tout ça c'est du kadhib. قال وهذا مجرد تصوره كاف في إبطاله. نعم. Le fait que مثل هذا الكاتب في عصر الشيخ سعدي il a osé dire ça. Le fait qu'il a dit ça, ça te suffit pour montrer que c'est bâtil. Léana, si tu viens à comparer les forces des musulmans et les forces de Haoula, min hayt al-madda wal-quwa wal-adad, c'était incomparable. Les musulmans, ils étaient afqar, ils étaient moins. Lakin, c'est le haq qui a pris le dessus. Qala, fa ayu quwa fil arab, tu'ahiluhum li muqawamati adna hukuma min al-hukumat al-saghira fi dhalika al-waqt. Cheikh Saadi lui répond, quelle force ils avaient l'arab? Aïe, niveau argent, niveau bien, niveau armes, pour se comparer à un autre pays à l'époque. On ne parle même pas de Rome ou à Fars, c'était les deux grandes puissances à l'époque. C'était incomparable. Cheikh Saadi dit même des autres pays qui étaient beaucoup moins, qui avaient beaucoup moins de force, Europama al-Muslimoun, ils n'avaient pas leurs moyens. Donc comment comparer al-Muslimoun avec ces deux empires? C'est du kadhib. قال فضلا عن الحكومات الكبيرة الضخمة فضلا عن مقاومة أضخم الأمم في وقتها على الإطلاق وأقواها وأعظمها عددا وعدة في وقت واحد. Alors que ces deux empires c'était les plus puissants. Comment dire que al-Muslimoun ils ont réussi à faire rentrer les gens de leur dîn avec le Mad? Alors que Rome ou Fars ils avaient des biens et ils étaient beaucoup plus nombreux que l'Arab. قال حتى مزقوا الجميع كل ممزق. C'est pour ça qu'à l'époque, ces deux empires, Fars et Rome, ils ont envahi, ils ont été injustes envers le jami'. Personne n'arrivait à leur tenir tête. قال وحلت محل أو حل وحلت محل أحكام هؤلاء الملوك الجبابرة أحكام القرآن والدين العادلة التي قبلها وتلقاها بالقبول كل منصف مريد للحق. Donc, c'est ça qui a fait rentrer les gens fidèles. C'est que هؤلاء فارس والروم ils étaient injustes de la barbarie, de la tromperie, des injustices. فلما هؤلاء ils ont ولله الحمد ils ont compris qu'il y avait un digne de justice, ils sont rentrés في هذا الدين tout simplement. قال فهل يمكن تفسير هذا الفتح المنتشر المتسع الأرجاء أي الواسع أي niveau superficie c'était énorme. قال بتفوق العرب في الأمور المادية المحضة وإنما يتكلم بهذا من يريد القدح في الدين الإسلامي أو من راجع عليهم كلام الأعداء من غير معرفة للحقائق. نعم. Et jusqu'à aujourd'hui et aujourd'hui أكثر أنهم يكمبتوا الإسلام avec ce genre de mensonge. Ça te montre أن c'est pas toutes les informations qui sont acceptées. خاصة الصحفيون les journalistes. فأكثرهم c'est des كذاب. أما الكافر فسان كافر. نعم فالحذر. C'est pas toutes les informations qui viennent des journalistes c'est حق. Surtout quand ça parle de الدين. احذر. Cheikh Mokbil rahmatullah alayhi kana yaqul anna celui qui veut fréquenter des menteurs il fréquente les journalistes. Ma'rouf hadha li'annahum c'est un métier, c'est pour vendre du papier. Donc fais attention aux informations. Et ahyanan hum yasaf que c'est un mensonge clair. Et probablement ils se contredisent, là que l'essentiel c'est le moment d'information, il arrive à vendre, c'est une entreprise. Fahdhar ayyuhal mu'min. Ihdhar hatta leur spécialiste en islam. C'est des kadhabun. Aktharuhum c'est des kafara munafiqun. فماذا تريد منهم؟ هذا الدين tu veux le comprendre, tu reviens إلى أهل الإسلام إلى علمائهم أي tu reviens aux sources, aux références, les savants de l'islam. Tu reviens pas à un ennemi de l'islam. Un واحد prétend être un spécialiste même s'il a un nom arabe لا ينفع. Il a étudié où, est-ce qu'il a fait ses preuves في العلم في العمل فلا ربما il travaille pour جهة معينة pour le kuffar et son but c'est de salir l'image. فاحذر. Il y en a tu trouves بعض المسلمين الآن ces sources, c'est tel reportage, il a vu ça dans telle chaîne de télé, il a vu ça dans tel site. C'est pas des preuves. Hein. Les preuves, c'est Al-Qur'an ou Sunna. Qala, Summa, baqa'u hada din ala tawali an-nakabat wa takalub al-a'da' ala mahqihi wa ibtalihi bil-kulliya min ayat hada din wa annahu dinullahi al-haq. Et avec tout cet acharnement, tout ce combat, toutes ces ruses, cette injustice contre Had-Din, wallahi alhamd, vous avez remarqué, il est toujours zahir. Compare l'islam avec Al-Nasraniya, l'islam avec le christianisme. Compare les masajid et les églises. Tu verras que les masajid, wallahi alhamd, ils sont pleins. Plus ils combattent l'islam, plus, wallahi alhamd, les gens y reviennent. Que ce soit Fibilad al-Muslimin et même Fibilad al-Kufr. Al-Masajid, wallahi alhamd, mali'a. Et compare avec leurs églises. Il n'y a personne. Le christianisme, ce n'est pas fondé sur le haq. C'est fondé sur le kadhib ou le zour. Et les gens, ils aiment le haq. Kadhalik, si ils combattent l'islam avec acharnement, c'est parce que c'est le haq. Ça serait une chose qu'ils ne les met pas en danger, qui n'a aucune valeur, ils n'auraient pas fait attention. Est-ce que tu as déjà entendu Al-Kuffar, ils combattent les bouddhistes? Abadan. Ils savent que c'est des farar vaï'oun. Ils adorent des choses d'aucune utilité, ils font aucun mal, ils se font du mal car eux-mêmes, ils ont aucun poids. Amma l'islam, l'an, t'entends parler que de ça. Limada li annahum yassavanna anna idha tamakkana l'islam, ça les met en danger. Et ils savent très bien, certains d'entre eux savent très bien que c'est le haq. Lakin al-inad, huwa al-kufr. Qala, falaw sa'adathu quwwatun kafiyah tarud anhu 'adiyati al-'adin wa tughyan at-taghin lam yabqa 'ala wajhi al-ard dinun siwa. Si il y aurait plus de moyens, bi'idhnillah 'azza wa jall, tout ça c'est biqadrillah 'azza wa jall, lakin Cheikh Sa'di démontre que si il y aurait plus de moyens, farubama hadha ad-din il aurait été propagé partout. Qala wa laqabilahu al-khalq min ghayri ikrah wa la ilzam li'annahu dinul haqq. Non, كذلك, il y aurait les moyens pour le propager niveau ilm akthar, et une superficie plus large, et il n'y aurait pas tout cet acharnement contre l'islam. Ils ont peur, il entend le mot islam, il a peur. فَلَوْلَ هَذَا فَرُبَّمَا جَمِعَ النَّاسِ il serait rentré فِي هَذَا الدِّينَ أَوْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَكِنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى الْحِكْمَةِ قال لأنه دين لأنه دين الحق ودين الفطرة ودين الصلاح والإصلاح لكن تقصير أهله وضعفهم وتفرقهم وضغط أعدائهم عليه هو الذي أوقف سيره فلا حول ولا قوة إلا بالله. Il te montre la cause كذلك. ربما c'est un manque de moyens comme on a cité. Et كذلك certains musulmans font du mal au din. لأن certains musulmans parlent au nom du din et ils propagent une mauvaise image. Et certains musulmans, ou qui se prétendent musulmans, ils font des a'mal, ça salit l'image. وَتَأَمَّلْ مَا يَفْعَلْ الْخَوَارِجِ au nom de l'islam. Tout ça pour secourir l'islam. Ils font plus de mal que de bien. Ils font du mal à eux-mêmes et aux autres. Et كذلك, ils ont tellement sali l'image que بعض الناس الآن ils pensent que c'est ça l'islam. Et il a peur. Il a peur de lire, de regarder, de chercher. فَهَذَا كَذَلِكْ تَفَرَّقُ الْمُسْلِمِينَ أن المسلمين الآن انشغلوا بأنفسهم أن هذا يكريتك هذا هذا يمان قاعد contre هذا هذا يدتست هذا. Alors que si ça serait une أمة واحدة كما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا السير qu'il a cité Cheikh Sa'di, السير c'est cet avancement, comme ils avançaient, ça ne serait pas arrêté. لكن الله سبحانه وتعالى il a une حكمة. Et la responsabilité, c'est pas Ahl Sunna qui mettent en garde, qui montre le haq. Abadan. Ahl Sunna, ils mettent en garde et ils démontrent al-muhiq min al-mubtil, c'est min bab al-nasiha wal-amr bil-ma'ruf wal-nahi 'an al-munkar. Limadha li'anna wahid peut dire anna c'est les salafis qui divisent, c'est Ahl Sunna qui divise. Pourquoi ils critiquent là? Ceux qui divisent, c'est ceux qui font shar. Si ha'oula ils s'écarteraient de l'bid'a et ils suivraient al-Qur'an wa al-Sunna, فالسلفيون ils n'auraient pas critiqué هؤلاء. نعم فلا critique لا بد منها حتى يغفين إلى الحق. فالنصيحة c'est que tout le monde revienne au حق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا كما يفعل بعض الجماعات الضالة الإخوان وغير الإخوان أن il faut qu'on se rassemble et on se taise. لا c'est pas la solution. لأن سأصغى أن رassemblement على ضعف et c'est pas un rassemblement à la ikhlas wa sidq wa mahabba la la نحن ce rassemblement il doit être في الله ولله et هذا السير ça doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala. On se rassemble pas pour des biens de dunya abadan. Enfin, la solution c'est هذا, c'est que tout le monde revienne Quran wa sunna ala ma kana alayhi salaf al umma et inshallah le résultat ça sera comme ils ont fait salaf al umma et هذا الدين se propagera أكثر. فلا حول ولا قوة إلا بالله كما قال الشيخ سعد. هذا المثال العشرون. Ça montre أن هذا الدين سدين الحق أي cette propagation et cet acharnement contre l'islam ça fait que ولله الحمد élever هذا الدين et les gens ils s'intéressent. Celui qui est sincère, qui est objectif, il veut le حق. ربما il fait des recherches et il se convertit. فالله سبحانه وتعالى il est une حكمة. قال المثال الحادي والعشرون الجامع لكل ما سبق. Dernier exemple. Et c'est un exemple, comme ici de Cheikh Saadi, annahu, il rassemble tout ce qu'on a vu. Les 20 exemples qu'on a vus dans cette risala, walillahi alhamd, Cheikh Saadi les a rassemblés dans ce point. En forme de conclusion. Rahmatullah alayhi. Qala dinul islam, mabni ala al-aqaid al-sahih al-nafi'a. وعلى الأخلاق الكريمة المهذبة للأرواح والعقول وعلى الأعمال الصالحة للأحوال وعلى البراهين في أصوله وفروعه وعلى نبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين والمخلوقات وإخلاص الدين لله رب العالمين فهذا الدين notre الدين الإسلام il est fondé sur ses fondements. عقائد صحيحة أولا une croyance ferme. On doit avoir la certitude أن الله سبحانه وتعالى c'est le créateur. Il mérite d'être adoré. Il a des noms et attributs. On a une croyance أن الله سبحانه وتعالى il ressuscitera tous les êtres humains et ils rendront des comptes. أن الله سبحانه وتعالى il a créé الجنة والنار l'enfer, le paradis. كذلك on a une croyance ferme au destin أن الله سبحانه وتعالى il a tout écrit عز وجل. Il a tout qadr, il a tout prédestiné, Jalla wa ala. Kadhalik, on a une croyance ferme, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé à chaque peuple un messager. On doit croire à tous ces messagers. On a une croyance ferme, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des anges. Et ces anges, ils ont des missions précises. Que Jibril, alayhi salatu wassalam, muwakkalun bil wahi. Il est chargé de la révélation. Wa hakada. On a cette croyance, elle est détaillée dans des livres. Et le musulman, il doit donner de l'importance à ses livres. كذلك, l'islam, il est fondé sur l'akhlaq, l'karim, l'muhadhaba, l'arwah, l'uqul. L'islam, il appelle au bon comportement. La justice, la véracité, l'entraide, et le haqq. Naam, respecter son voisin, respecter ses parents, la douceur. Tout ça, c'est l'akhlaq. Tu trouveras beaucoup de textes, dans le Coran ou dans le Sunnah, qui nous appellent à s'améliorer dans nos comportements. Des œuvres. On doit appliquer bien sûr en premier lieu le tawhid, on doit faire salat, on doit sortir la zakat si on a les moyens, on doit faire siyam, on doit faire le hajj au moins une fois, les piliers de l'islam et autres. C'est le fondement principal de l'islam avec le tawhid. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى أي délaisser الوثنيات الشرك s'accrocher à des choses futiles. بعض الناس ربما son fils il est tombé malade مثلا فإذا va voir un sorcier et il lui dit des mensonges أنه tu prends ses cheveux tu fais telle chose tu les enterres tu prends si sa dent elle tombe tu fais telle chose خرافات. تعلق بغير الله بعضهم il a un problème il va il demande à un mort alors qu'il se prétend musulman et il est à la khatar azim. التعلق بالمخلوقين والمخلوقات المسلم ce islam nous démontre qu'on doit placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui donne c'est Allah, celui qui enlève c'est Allah azza wa jalla. Fa place ta confiance en Allah. قال واخلاص الدين لله رب العالمين وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Ce dîn il est fondé sur l'ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala toutes ses œuvres qu'on a cité dans ce livre, que Cheikh Saadi l'a cité, que ce soit les œuvres apparentes, cachées, que ce soit les bons comportements, tout ça c'est accepté si ce abd il est sincère. Et bien sûr, en suivant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a beaucoup qui mélangent. Ils citent des choses, des bons comportements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas cité. Le bon comportement, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité. Parmi les bons comportements, c'est détester le kafir. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. Vous avez remarqué que l'un بعض الناس ils appellent au bon comportement à aider musulmans. Parmi le bon comportement, tu dois respecter le kafir, aimer le kafir, la fraternité. Ça c'est min al-kufr. Ça c'est min al-kufr. On est obligé de mécroire au tarot et détester ahlo et ahl al-kufr. لكن بعض الناس ils ont fait rentrer le kufr في الأخلاق. Le bon comportement, c'est par rapport à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui nous a montré bon comportement, c'est un bon comportement. Ce qui nous a montré c'est un mauvais comportement, c'est un mauvais comportement. Parmi les bons comportements, kadhalik, c'est de délaisser ahl al-bid'a wa dhalal. Ça, c'est un bon comportement. Fahidhar, on a toutes ces choses. Si tu reviens pas à ahl al-ilm, et tu reviens pas au Qur'an et à la sunnah, rubbama avec ces points, wahid, il peut appeler à l'égarement. Il faut avoir un bon comportement. Et il cite des choses qui n'ont rien à voir. Le bon comportement, c'est suivre le Coran et suivre le Sunnah. C'est ça le bon comportement. وَلَوْ كَرِهَا الْأَعْدَى قَالَ وَعَلَى نَبْذِ الْخُرَافَاتِ وَالْخُزَعْبَلَاتِ الْمُنَافِيَ لِلْحِسِ وَالْعَقْلِ. Et comme من المسلمين ils se font du mal بهذا. خُرَافَاتِ, ça n'a rien à voir. Ni avec الحِس, ni avec l'عقل, ni avec الدين. Et la religion, elle appuie pas هذا. La raison à la plupart est كذلك la réalité. مثلاً, بعضهم, ils disent, c'est pas bien de laver ses vêtements le samedi. Il est où le lien avec din? T'as aucun délit. La raison, comme les gens, ils lavent leurs vêtements le samedi, et الحس, la réalité, كذلك, si tu laves tes vêtements le samedi, t'arriveras à rien. بعضهم, ils ont des afkar, ils sont assis, et leurs sandales, elles sont retournées. معروف هذه. Si leurs sandales, elles sont retournées, il faut la remettre à l'endroit. Il peut se passer telle chose. Notre dîn, il n'est pas fondé sur Adam. Notre dîn, il est fondé sur le haq. Des choses réelles qui sont appuyées par le kitab ou le sunnah. Amma, c'est khurafat. Anna, il ne faut pas faire telle chose. Il ne faut pas se marier tel jour. Il ne faut, faut pas se lever à tel moment. Tout ça, c'est min al khurafat. Ou al khuza'balat. C'est des légendes, des choses qui sont appuyées sur rien. Fahdhar, ayyuha al-muslim. Ces choses, ça va t'affaiblir. Comme a dit le Cheikh Mokwila, rahmatullah alayhi, à cause de ces khurafats, à cause de toutes ces choses, la personne elle a peur de son ombre. Il devient vaïf du ton. Si tu fais ça, t'auras ça. Si tu verses de l'eau, tel moment, t'auras ça. Si tu fais pas telle chose, le djinn, il va te faire. Hatta, ça devient des do'afas. Al-mu'min, là, il est qawi, fi din. Et ce qui le rend qawi, c'est cette aqida, annahu, il a peur que d'Allah. Est-ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a montré que ça peut lui faire du mal? Na'am, ça lui fera du mal. Matalan al-shirk, ça te fera du mal. Fa'a'oula, rubbama, une sandale qui est pas à l'endroit, ça le dérange. Ou laver ses vêtements le samedi, rubbama, ça le dérange. Égorger pour autre qu'Allah, pour lui, c'est normal. Vous avez vu comment Shaytan, il a égaré ha'oula. Fa'a'oula, l'an, qu'est-ce que tu veux attendre de lui? Mina nasr wa ta'awun, tu peux rien attendre de lui. لأنه إلى ضعيف في نفسه سفيد مال جدا قال المحير للفكر وعلى الصلاح المطلق وعلى دفع كل شر وفساد. C'est ça notre dîn. Ce dîn il est venu pour appeler à tout bien et repousser tout mal. وعلى العدل ورفع الظلم بكل طريق وعلى الحث على الرقي لأنواع الكمالات. نعم, أي c'est pour nous élever les choses qui contredisent pas notre dîn et ça nous fait avancer. Enfin, notre dîn, il nous les interdit pas. Comme on a déjà expliqué, que ça soit moyen de communication, que ça soit nourriture, que ça soit moyen de transport. Tout ça, walillahi alhamd, les musulmans, ils en profitent. Ce qui fait du mal, c'est le mukhalafat al-shar'iyya. Comme a dit Azza wa Jal, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. C'est ça qui fait du mal. C'est mukhalafat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Amma, une chose qui est mubaha, et il n'y a pas de texte qui nous montre que c'est interdit. Enfin, la base dans les choses de dunya, c'est la permission. Amma fi din, la base, c'est que tu peux rien faire et tu ne dois rien faire sauf si tu as une preuve. Fahfad, ces deux fondements, ils vont t'aider jiddan. Anna fi dunya, Tant qu'il n'y a pas de dalil, c'est halal. Mathalan, une boisson, un jus, un gâteau, une nourriture, tout est halal. Sauf s'il y a un dalil. Mathalan, il y a de l'alcool. Mathalan, c'est une bête qui n'a pas été égorgée au nom d'Allah Azza wa Jal. Mathalan, il y a du porc. C'est haram. Le reste est halal. Fait din, l'axe. Tu n'as pas le droit de faire une salade, ou tu chasses une salade, ou un siyam dans un temps précis, dans un moment précis, et tu penses que c'est bien, il l'a bidalil. Et si on fait les choses ou qu'il y a un dalil, alhamdulillah, il kifaya. Et on n'arrivera pas à faire tout, toutes les ibadat ou qu'il y a un dalil, tu n'arriveras pas. Lakin, en بعض الناس khudlan, ils délaissent le mashrou et ils vont vers les choses qui sont mubtada. Qala, وهذه الجمل يطول تفصيلها وكل من له أدنى معرفة يهتدي إلى تفصيلها على وجه الوضوح والبيان الذي لا إشكال فيه. نعم. أما détaillé. Tous ces points, ça serait détaillé la religion entière. Et Cheikh Saadi, son but, c'est une petite risala et démontrer هذا الخير. أما celui qui veut les détails, il étudie الدين. Il fait des efforts pour l'aqidah, il fait des efforts pour kutub al-fiqh, pour kutub al-akhlaq, pour kutub al-adab. Et inshallah, il apprendra beaucoup de choses. قال ولنقتصر على هذا الكلام على اختصاره فإنه يحتوي على أصول وقواعد يعرف بها ما للإسلام من الكمال والعظمة والإصلاح الحقيقي لكل شيء وبالله التوفيق. نعم. Donc, Cheikh Saadi a cité une vingtaine d'exemples, 21 exemples pour être précis. Et Falhaqiqa, il a cité des bases. Ça te permettra de comprendre le reste. Anna hadd din, c'est un din kamil. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé hadd din. Al-Qur'an, c'est kalamullah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation. Ahadha wa lillahi alhamd. Qala waqa'a al-faragh min ta'liqiha ghurratu aw ghurrata jumada al-oula sanat 1364. 1364 il a fini هذه الرسالة الشيخ سعدي رحمه الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بقلام معلقها عبد الرحمن بن ناصر ابن السعدي رحمة الله عليه فالعناية بمثل هذه الرسائل شيخت à notre époque أن كثيرا من الناس ils ont une compréhension de l'islam elle est pas صحيحة إما إفراط إما تفريط إما غلو إما تقصير إما إكزاجيراسيون ديباس لي ليميت إما لاكسيسم عجيب أنه يبغي تو أوتوريزي إي دي زوتر إن إكزاجيراسيون عجيبة أنهم يبغي تو أنتيغدير الإسلام سي فوندي سور دي بروف سور دي فوندمون فسولي كي يبغي الحق يروفيان أ هذا العلم إي يروفيان أهل العلم نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والسلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين